Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Bonsoir et bienvenue dans Sortie culturelle à la Corrigan. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner dans ce tout nouveau rendez-vous hebdomadaire de la programmation automne-hiver 2018-2019 de CKRL. Donc je vous le dis, 2 heures avec entrevues, artistes également qui vont nous rejoindre tout au long de cette émission et surtout des prestations en direct ici à la Corrigan. Alors si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit, 380 rue Dorchester, on déguste les bonnes bières maison de la Corrigan par la même occasion. Venez d'ici 19h30, en plus pour le public présent, il y a des prix de présence, les artistes nous apportent des albums, des EP, des paires de billets pour des spectacles également. Aujourd'hui, bah, il y aura des beaux cadeaux, je peux déjà vous le dire avec mon menu. Lila alias Marianne Poirier viendra nous voir pour nous parler de sa participation à Saint-Roch Expérience week-end des 15 et 16 septembre prochains, je vous le rappelle. Également Alicia Deschênes, qui fait partie de cette même programmation, sera avec nous. On aura aussi Anne-Christine Guy, tout fraîchement rentrée du Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Elle va nous raconter, elle va nous donner un avant-goût de ce qui s'est passé lors de ce festival, ses coups de cœur également. On recevra aussi André Pelletier, cofondateur du Ukulélé Club de Québec. Il participe en fin de semaine au Festival Celtique de Québec. Et enfin, on recevra Diane Blanchette, directrice générale et artistique pour la programmation de l'Anglicane de Lévis, 40e anniversaire. Si vous n'êtes encore jamais allé à l'Anglicane, vous n'avez pas traversé le fleuve pour découvrir cette église reconvertie en salle de spectacle, ben sincèrement, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le déplacement, et on va vous donner plusieurs arguments de traverser le fleuve dans cette prochaine année, j'en suis sûre. Mais pour commencer, une visite internationale avec un duo breton qui fera 2 spectacles à Québec, qui reviennent tout droit d'ailleurs du Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny. Le duo Lebourg Baudros, j'espère que je le prononce bien, c'est qui ça. Est avec nous. Bonjour. Alors, bonjour. Youn Baudros, oui. Et Timothée Lebourg, d'où, oui, le nom finalement. C'est ça, exactement. C'est le nom du duo, c'est juste nos noms de famille, tout simplement. Alors, c'est amusant, je vous ai découvert sur Facebook, en faisant ma petite recherche d'événements de cette semaine à Québec. Et là, j'ai vu un bal breton, fest-noz, comme on les appelle, typique, que vous allez recréer demain à l'Auberge internationale de jeunesse de Québec. C'est dans le Vieux-Québec. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est un fest-noz en Bretagne? C'est une institution, il faut bien le dire. C'est exactement ça, ouais. C'est une institution, en fait. C'est le nom des bals folkloriques qu'on peut trouver spécialement en Bretagne. Il s'agit surtout de danses traditionnelles, en fait, qui sont exécutées par des sonneurs. Donc les sonneurs, on appelle les musiciens traditionnels bretons des sonneurs. Donc, souvent, ils jouent biniou bombard, des chanteurs, cornes à discorde, ou autres formations, des groupes, quoi, et des duos et tout ça. Ça se danse en couple, ça se danse en groupe aussi? C'est les deux, en fait, ça dépend des danses. Donc c'est des soirées dans lesquelles les gens dansent tout le temps, tout du long, donc sur tous les morceaux. Toutes générations confondues, bien sûr. Et il y a des danses en couple, comme on retrouve ici au Québec d'ailleurs, hein, il peut y avoir des scottish, des valses par exemple. Et sinon, il y a énormément de danses traditionnelles qui sont plus des danses en cercle les 3/4 du temps. Donc c'est en fonction des régions de la Bretagne, parce qu'il y a plein de régions en Bretagne comme dans plein de pays, il y a différentes danses qui sont plus particulières à chaque pays en fait. Donc, et on n'a pas besoin de savoir danser pour se joindre à un fest-noz. Moi j'ai l'expérience comme toute Française qui se respecte, je suis allée en Bretagne et je garde un grand souvenir de mon premier et peut-être mon seul, j'ai dû en faire 2 fest-noz. D'accord. Et on a toujours peur, hein, la première fois d'y aller, on se dit mais je ne sais pas danser, je ne connais pas les pas, etc. Et vous vous faites embarquer par la foule, par les musiciens aussi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces soirées-là où même les moins danseurs finissent par danser. Bah, disons que les danses ne sont pas très compliquées en soi, c'est souvent des pas assez répétitifs. ce qui fait qu'on peut facilement rentrer dans la danse. Après, c'est assez physique comme danse oui, quand même. Sur toute une soirée. Mais, c'est pour ça qu'on fait des pauses. Voilà, exactement. Mais il est toujours possible d'apprendre à danser facilement. Et puis, les gens sont généralement accueillants pour apprendre les danses à qui ne les connaît pas, justement. Mm-hmm. Et oui, autant les touristes, les Bretons se font un plaisir d'apprendre les pas de base à tous ceux qui découvrent leur premier fest-noz. Ouais, ouais. Mais dites-moi, vous avez l'air d'avoir deux instruments. Alors, assez atypique, moi, mon fest-noz où j'étais allée, c'était pas ces instruments-là. Racontez-moi avec quels instruments vous jouez, tiens. Alors, moi, je joue de l'accordéon diatonique, qui est très présent partout dans le monde, mais vraiment très présent en Bretagne aussi. Et Tim joue du saxophone, qui, lui, est bien moins présent en Bretagne, mais avec... Depuis quelques années, depuis environ une trentaine d'années, il y en a de plus en plus en fait. C'est un instrument qui n'est pas issu de la musique bretonne, mais beaucoup de pratiquants de cet instrument-là sont issus de la musique bretonne pour autant. Quoi. D'accord. Et vous, comment votre association s'est faite? Pourquoi l'accordéon diatonique et le saxophone alors? Ah, on se connaît depuis qu'on est gamin. Du coup, et j'ai commencé par l'accordéon, je suis obligé de l'avouer. Avant de se diriger vers le saxophone. C'est ça. Avant de mal tourner. C'est dit. Donc on se connaît depuis enfant, et on a appris la musique plus ou moins en même temps, dans la même école de musique, etc., avec mon oncle Daniel Féon, pour démarrer. Et comment, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai changé d'instrument, du coup. Je suis passé au saxophone, notamment, et on a commencé à jouer ensemble. Après, les couples d'instruments accordéon plus un autre instrument sont assez fréquents dans les musiques traditionnelles, de manière générale. Hein. C'est parce qu'on retrouve l'accordéon, comme dit Youn, partout dans le monde. Oui. Donc, il est associé souvent, la plupart du temps, il est souvent associé dans les musiques traditionnelles à la clarinette, ou des choses comme ça, qui sont des instruments un peu plus populaires. Mais du coup, le saxophone se marie également très bien. D'ailleurs, en Bretagne, on le retrouvait avant qu'il y ait une petite pause, dans les années 30, dans les jazz bands, en fait... Il y avait des couples déjà, accordéon saxophone, plus batterie, plus banjo, qui faisaient des fois juste un morceau de musique traditionnelle, une gavotte, puis après de la musique plus française, des javas, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que vous, en jouant vos instruments, vous avez l'occasion de danser aussi ou non? Vous vous occupez d'animer la foule, puis c'est les gens qui dansent. Alors, on sait danser, mais on s'occupe plus de la musique. Il faut choisir ses combats. Pour bien savoir jouer les danses, c'est important de savoir danser quand même. Les danses en question, justement, c'est plus évident. Ouais. Alors là, vous avez été invité au Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny. Donc, on comprend pourquoi maintenant avec l'instrument. Quelles ont été vos premières impressions? Vous en venez tout juste. C'est votre première venue au Québec et au Canada. Donc, vos premières impressions? Ah bah, c'était vraiment super. Très bonne rencontre. On a été contacté en fait par Reynald Ouellet, qui organise. Entre autres ce festival-là. Et en fait, pour nous, c'était une rencontre incroyable avec déjà le public et d'autres musiciens comme Antonio Rivas, Joaquim Diaz. C'était, il y avait Filippo Gambetta. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. On a vraiment passé une... Des artistes que vous connaissiez, alors. Qu'on connaissait de nom, bien sûr, ouais. Qu'on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer, ou quelques fois, mais rapidement. Là, disons que le festival, il se passe sur 4 jours. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Oui, 4 jours. Ouais. Et en fait, tous les artistes du festival jouent tous les jours, plusieurs fois. C'est souvent des passages très courts, ce qui est un peu étrange par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, tous les artistes jouent tous les jours à différents endroits. Donc, on a l'occasion de se côtoyer pendant 4 jours et de se voir, etc. Donc, ça permet de lier, de créer des liens entre les musiciens, ce qui est souvent un peu moins le cas dans les festivals où on passe d'un festival à l'autre. Vous faites juste votre soirée et puis vous changez déjà. Et vous avez immortalisé votre musique sur disque aussi, avec Shaden, qui est sorti en quelle année d'ailleurs? Alors celui-ci, 2016, c'est le dernier. Ouais. Celui-ci, c'est le dernier, il est sorti fin 2016, mais on a deux autres disques, donc on a 3 disques en tout. Le premier qui est sorti en 2011. C'est ça, ouais, 2011. Ouais. Ça s'appelle De Speller et en Navel. Ça veut dire D'où vient le vent. Ouais. Ensuite, 3 ou 4 ans plus tard, il y a eu le Bourbeau de Rose Quintet. C'est-à-dire que suite au duo, on a accueilli 3 nouveaux musiciens pour former un groupe. Erwan Mingui à la flûte traversière, Erwan Volant à la basse et Erwan Moelle à la guitare. Vous avez 3 Erwan, ouais, vraiment. On les collectionne. C'est tellement cliché de la Bretagne de s'appeler Erwan, excusez-moi. Je vais le mentionner. Mais on n'a même pas fait exprès. Mais... Faut croire que c'est les plus talentueux en musique pour se joindre à vous. Mais tout ça pour dire, hein, donc, l'ambiance sur disque aussi, est-ce que vous arrivez à retranscrire le tout? C'est vraiment une expérience différente par rapport à ce qui se passe dans les fêtes, donc les fameux fest-noz. Oui, bien sûr, oui. C'est pas la même chose. Après, forcément, on fait notre musique et on essaye de faire en sorte que notre musique soit accessible à tout le monde aussi. Donc, on a comme principe de base, en tout cas pour les deux premiers disques, principe de base de faire de la danse, donc partir avec cette contrainte d'écriture, on va dire, faire de la danse, mais on veut faire une musique qui soit accessible à tous, et si quelqu'un veut juste l'écouter, bah, qu'il puisse l'écouter également. On va vous écouter ici à la Korigan. Alors, à défaut d'avoir la danse, pour avoir la danse, il faudra être à l'Auberge internationale de jeunesse demain, dans le Vieux-Québec, pour vous voir. Vous êtes aussi en spectacle au bal du Lézard ce soir à 21h. Oui. Je vais vous laisser vous installer. Peut-être présentez-moi la pièce que vous allez jouer pour commencer, ou les pièces, parce que je vous ai laissé le choix. Alors, on va commencer par une scottish de notre composition qui s'appelle Macross Head. Et ensuite, on va continuer avec un cercle circassien, toujours de notre composition. Qui s'appelle Clermont. C'est ça. Alors, à découvrir. Je vous laisse vous installer. Ouais. Pendant ce temps-là, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez nous rejoindre au 380 rue Dorchester à la Korigan. On est là jusqu'à 19h30. Si vous êtes à l'écoute de CKRL, c'est déjà très bien, bien évidemment. Mais si vous voulez vivre l'ambiance, voir les artistes sur scène ici en prestation, bah, c'est ici que ça se passe. Tout simplement, je rappelle qu'on a des prix de présence aussi. Je peux déjà l'annoncer. Le duo qu'on vient de vous présenter, le Bourg Baudros, nous a laissé un album avec lequel vous pourriez repartir. Mais je suis sûre que vous êtes curieux d'entendre ce que ça donne. Alors, on va les laisser jouer tout de suite en direct à CKRL. Vous êtes dans l'émission Sortie culturelle jusqu'à 19h30. Pardon, à CKRL 89.1, tout droit venu de la Bretagne, spécialement pour une tournée québécoise et canadienne, parce qu'ils iront aussi en Ontario, prochainement tout près de Toronto aussi, pour animer les foules. Et on est bien content d'avoir un petit passage ici à CKRL, de les attraper au vol alors qu'ils joueront ce soir au Bal du Lézard, 21h, je vous le rappelle. Demain soir, vous vivrez l'ambiance du bal breton à 20h à l'Auberge internationale du Vieux-Québec, si vous voulez vous y rendre. Alors c'est quoi, vous nous présentez comment on danse les pas demain à l'auberge, ou comment on va faire pour vous suivre en danse? Alors oui, c'est ça, on va, donc on fera uniquement des danses bretonnes pour le coup, avec des scottish, cirque circassien et tout ça. On va expliquer certaines danses, il y aura aussi d'autres personnes qui seront là pour expliquer les danses qu'on fait. Normalement, les gens qui viendront pourront danser et sauront danser. Je pense que la communauté bretonne va se mobiliser demain pour venir vous rejoindre. Les Bretons sont souvent très fiers de se retrouver dans ce genre d'événements. Ça fait vraiment partie de l'identité de la Bretagne quand même, les festivals. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que dès qu'on va à l'étranger, que ce soit ici ou ailleurs en Europe, il y a toujours des, même ailleurs en France d'ailleurs, il y a toujours des communautés entre guillemets, ou des gens qui sont d'origine bretonne, expatriés du coup, et qui arrivent là et qui se disent ah mais c'est génial, et du coup ils sont super contents de voir des gens venir jouer cette musique, et donc ils viennent danser tout le temps. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient, parce que des Bretons sont partout. Justement. Mais oui, ils sont vraiment partout, là. Dans quel que soit le pays, ils vivent partout. C'est un peuple nomade depuis bien des années, il faut le dire. Peuple marin, c'est ça. Ouais. Et oui, ça fait partie de leur histoire. Vos impressions sur le Québec, alors? Parce qu'on le disait, vous étiez au Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny. Vous avez joué plusieurs fois tous les jours, comme on a pu le découvrir. Vous avez eu le temps de visiter un petit peu aussi? Aujourd'hui. Seulement aujourd'hui? Disons qu'à Montmagny, c'est déjà beaucoup plus petit qu'ici. Oui. donc on n'a pas trop visité Montmagny, les alentours, on va dire. Vous avez vu la ville de Montmagny. Oui, bien sûr. Ouais. On a visité la ville de Montmagny, mais pas les alentours. Et en revanche, ici aujourd'hui, on a passé une belle journée dans le Québec. Super. En plus, il faisait super beau, donc c'était agréable de se balader. Vous venez pile la bonne journée, parce qu'hier c'était pas trop ça. On était là hier aussi, et c'est vrai que c'était plus nuageux, plus nuageux et plus poisseux. Donc pour l'ambiance, est-ce qu'il y a une ambiance ce soir qui va être différente entre le bal du lézard qui est beaucoup plus petit? Je ne sais pas si vous avez encore vu la salle. Non, on connaît pas. Non, c'est ça. Vous êtes venu tout de suite ici. C'est ça. Mais c'est 80 personnes bien tassé dans le bal du lézard. C'est une ambiance intime. Ça veut dire qu'on va avoir chaud. On va avoir très chaud. Je pense que vous allez avoir chaud. Je le prédis comme ça. Voilà, une ambiance entre un lieu intimiste comme ça, puis l'auberge où je pense qu'il y aura plus de place pour danser. C'est deux soirées complètement différentes. C'est deux soirées différentes. Donc vous pouvez même venir aux deux. C'est ça qui est bien. Ça ne sera pas la même chose. Ouais. pour se procurer le disque aussi de Le Bourg-Baudros, vous en avez avec vous là, en tournée? On en a avec nous, donc pour les gens qui viennent, évidemment, on en aura sur place. Après, on est produit par des copains à nous qui ont une structure qui s'appelle Packer Prod, donc on peut retrouver sur Internet nos disques facilement aussi. D'accord, donc on peut se les procurer en ligne, en numérique. C'est ça, tout à fait, oui. Pour tous ceux qui se posent la question, on peut également vous suivre sur votre page Facebook. Oui. Le Bourg-Baudros, pour tout savoir sur votre tournée. Également, alors je ne l'ai pas précisé, pour l'Auberge internationale de jeunesse demain, contribution volontaire, $15 suggéré si vous voulez entrer, mais c'est à la hauteur de vos moyens, bien sûr. J'avais envie aussi qu'on écoute sur disque, parce que ce soir, l'un des spectateurs de cette émission repartira avec votre album, l'album qui s'appelle Chaden. Oui, tout à fait. Ouais. J'aimerais bien que vous me parliez de ce nom, parce que c'est la pièce du même titre qu'on va écouter. Alors, Chaden, en fait, en breton, ça veut dire chaîne. Ça représente en fait les chaînes que font les danseurs pour danser une gavotte ou un pline. Bras-dessus, bras-dessous. Bras-dessus, bras-dessous, voilà. D'accord. Ouais. Et c'est celle qui ouvre l'album. Oui, tout à fait. Et sur ce disque, on a deux invités, une chanteuse qui s'appelle Rosane Talek et un percussionniste, Gaëtan Sanson, qui joue justement sur cette piste-là, Chaden. Je suis déçue, les musiciens ne s'appellent pas Erwan cette fois-ci. Ouais, mais une fille qui s'appelle Erwan, ça marche moins bien. Ouais, bon, ça se quitte, c'est dans les prochaines mais générations. Mais bon, Rosane, c'est bien breton aussi. Très bien. Merci beaucoup, Yon Bodros, Timothée Lebourg. C'était un Merci plaisir beaucoup. De vous rencontrer. Merci beaucoup. Lors de cette escale à Québec. Alors écoutons tout de suite un extrait de l'album Chaden avec l'extrait du même nom, le duo Lebourg-Bodros.

Lila, on a eu une conférence de presse à la Miou pour parler de Saint-Roch Experience, la programmation, les artistes qui allaient être présents, mais à ce moment-là, vous ne connaissiez pas encore les lieux dans lesquels vous alliez jouer, puisque vous allez faire 3 prestations dans différents lieux. Alors, en ce qui te concerne, 13h, Parvis, Église Saint-Roch, le 15 septembre, 16h, l'Exo Shop, boutique t-shirt, skate, etc., culture skate, hein, beaucoup, et puis Coyote Records à 18h30. Quel est le lieu le plus insolite pour toi? T'as déjà pensé à cette question? Mais j'imagine le exo, là, parce que c'est assez restreint comme espace, là, finalement. Mais quoi qu'on est habitué, je suis quand même habituée de jouer dans des mini-places, là, dont la librairie Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Mais bon, on va adapter. C'est dans une boutique, quand même. C'est pas tous les jours qu'en tant qu'artiste, on joue dans une boutique. C'est sûr. Ben, quoi que j'ai déjà joué au Pinoche sur la rue Cartier. Ah oui? Au milieu des bonbons. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, bon, c'est une surprise, mais ça n'en est pas une tant que ça, là. Mais quand même, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire de ce lieu, là, finalement. Mais vous serez combien? Parce que toi, tu as autant l'habitude de chanter, de te produire en solo, en duo. Tu connais plusieurs formules. Donc là, qu'est-ce que tu as choisi? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on va adapter les formules selon l'endroit, là, en fait. C'est sûr qu'on ne jouera pas en band au Exo, malheureusement. Mm-hmm. On va retourner à notre formule initiale, là, qui est un duo, finalement. Moi, accompagnée d'Anthony Caillouette, là, avec qui je joue tout le temps. Donc, pour l'Exo, c'est sûr qu'on va être en duo, mais pour les autres, je pense qu'on va y aller comme la formule complète. Là. On va avoir l'espace, donc pourquoi pas. Ah, donc, en fonction du lieu, tu peux adapter ta formule aussi? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est nous qui déplaçons nos... C'est pour ça qu'il y a quand même un certain laps de temps entre chaque spectacle pour nous laisser le temps de... Ben, tu es déplacé, là, finalement, mm-hmm. parce que ça prend... De faire le fameux soundcheck, le test de c'est son, ça. Là, puis avant de voilà, commencer. Moi, personnellement, je souhaite pas jouer ça acoustique, là, fait que, voilà. Surtout sur le parvis de l'église Saint-Roch, où il faut prendre plus d'ampleur, par exemple. Ben oui, voilà, on a l'espace, on a l'espace pour le faire, donc pourquoi pas. Mm-hmm. Lila, donc, tu es auteure, compositrice, interprète de Québec. Il se passe plein de belles choses pour toi cette année. Tu as fait partie de la tournée Route d'artistes qui, bah, c'était aussi le concept, faut croire que c'est ton année des lieux insolites, de jouer dans des salons, concerts privés. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que chaque année, c'est juste 2 artistes qui sont sélectionnés pour faire cette tournée un peu partout au Québec, dans des salons allant de la Gaspésie à l'Abitibi, si on est vraiment très imaginatif et que les gens sont prêts à nous accueillir. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à la rencontre des gens chez eux, finalement? Ouais. Ben, c'était vraiment une belle expérience. Puis, tu sais, on a l'habitude de... On a quand même l'habitude de faire des shows de ce genre-là, là, parce que moi, je fais des shows dans mon sous-sol. Je fais des house shows, qu'on appelle ça. Que j'appelle ça, en fait. Puis, voilà, fait qu'on... On est comme habitué à cette formule-là de vraiment intime, genre soit solo, soit à deux, avec vraiment proche du public, puis un petit public. Fait que ça a juste ajouté de ces formules-là finalement à notre bagage, qui était vraiment le fun, parce que moi je trouve que c'est les meilleurs. Les meilleures choses, c'est là qu'on les donne finalement, quand mm-hmm. on est juste les deux, puis qu'on présente ça devant comme quoi 15, 20, 30. 40 personnes, gros maximum, finalement. Fait que, non, ça nous a vraiment comme fait du bien, finalement, de retourner à cette formule initiale. Mm-hmm. Mais parce qu'il y a le spectacle, mais après, il y a la rencontre avec les gens. Parce que j'imagine qu'ils ne se laissent pas partir sans rien te dire non plus. Mais souvent, c'est ce qu'on dormait chez eux aussi. Là, ah oui? On est bien mal placés pour ne pas leur parler. mais ça, c'était comme un défi un peu pour moi, là, parce que je suis quand même... Genre, faut que j'avoue que je pas sauvage, mais je suis quand même solitaire, puis j'aime ça avoir genre mon espace, puis être toute seule, vraiment. Surtout quand je fais des spectacles, j'ai besoin comme de me concentrer, puis tout. Puis là, c'est quand même un défi pour moi, genre, d'arriver là, puis comme de parler avec les gens avant le spectacle, puis autant après, parce que ça, j'aime ça avoir ma bulle beaucoup avant les spectacles, puis être seule, puis être en silence, finalement. Puis là, ben, c'était comme un peu impossible, mais bon, c'était vraiment comme... Des gens incroyables qu'on a rencontrés, là, donc je m'en plains pas du tout, oui. Mais bon, voilà, fallait que j'avais comme quand même un défi envers moi-même à faire, là, de comme d'accepter que j'ai pas nécessairement ma bulle, puis c'est correct, là, puis on fait le show quand même, peu importe qu'est-ce qui arrive, finalement. Mais c'était vraiment... Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont marqué en particulier après cette tournée? Ouais, vraiment. On a joué... le deuxième lieu qu'on a joué, c'était à Coansville, en fait. Dans le fond, c'est à la campagne. Fait qu'on était supposé jouer à l'archipel de Coansville, qui est un café. Puis finalement, ça a été déplacé dans la maison des gens d'un des copropriétaires de l'archipel. Puis sa maison est en campagne, là, où un champ et tout, là. Fait que finalement, puis on en est venu à jouer dehors, finalement, parce qu'il faisait vraiment beau. Puis il y avait comme un mini stage, finalement, puis on a dit, hey, on joue dehors. Puis on a commencé le spectacle comme vers 8h15, fait qu'on jouait avec le coucher de soleil en arrière. Fait en tout cas, ça nous a vraiment marqué. Quadridylique, là, oui. Oui, mais ça nous a vraiment marqué. On en est. Tu sais, c'était le premier show officiel de la tournée. Ben, on avait joué à Montréal le soir d'avant, mais c'était pour un chauffeur, fait que c'était un peu différent. Puis on n'en est pas revenu finalement de cette place-là, là, de toute la tournée, puis les gens qui étaient là, les gens qui nous ont accueillis. Petite communauté aussi, c'est ouais, ça? Oui, voilà. Mmh. Puis ben voilà, moi, les gens qui nous ont accueillis, on se parle encore, puis... Donc, tu pourras refaire un spectacle là-bas. Oui, clairement, puis à l'archipel cette fois-là, parce que bon, tout va être rentré dans l'ordre d'ici là. À Coansville, vraiment. Ouais. Lila, sa particularité, c'est qu'elle sort des EP deux fois par an. Là, il y en a eu un en février, il y en aura un autre en novembre. Tu m'as dit qu'on pouvait dévoiler la date de sortie du prochain EP. Oui, oh, faut bien à un moment donné. Alors, c'est le 2 novembre. Oui. Est-ce que ça va être aussi sous formule petit dessin avec code de téléchargement à l'arrière? Là, ce sont des œuvres uniques, hein, Lila, c'est... Ouais. Une auteure-compositrice-interprète, mais aussi dessinatrice. Ouais. C'est très beau ce que tu as fait. Et puis ce sont des œuvres uniques. Ouais. Pourquoi avoir décliné là-dessus? Parce qu'il faut. On dit souvent qu'il faut se concentrer sur un seul projet artistique en même temps. Tu as longtemps fait de la musique, on n'avait pas vu tes dessins encore. Mais c'est le même projet. Je veux dire, ça, les dessins, ils font partie de. Du projet. Finalement, là, l'entité de Lila, ben, c'est tout ce que je veux faire de manière artistique, peu importe ce que c'est. Voilà. Puis là, ben, le dessin, je le mélange maintenant tout le temps à ce que je fais. J'ai aussi fait des chandails, finalement, avec mes dessins dessus. Des aimants aussi pour le frigo et tout, là, avec les dessins. Puis c'est toujours original. Bon, c'est sûr que les chandails, il y en a quelques-uns qui ont le même dessin. Puisque c'est comme un décalque que je mets dessus. Là, puis à un moment donné, mais il y a quand même 32 modèles. Ah ouais, c'est mieux que Britney Spears, là, je pense, pour sa collection de je me disais, je vais choisir 3-4 dessins. Puis finalement, j'étais comme, oh non, c'est pas assez. Fait que j'en ai au moins 25, me semble. Mais on les retrouve où? Parce que tu dois pas les trimballer en tournée non plus à chaque fois. Oui. Ah, ben, oui? C'est principalement, en fait, en spectacle, pour l'instant, là, que je les vends, les chandails. Parce que vraiment, toutes des chandails comme différents les uns des autres. C'est pas comme small, medium, large. Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour l'instant, c'est vraiment plus en spectacle qu'on peut les acheter. Mm-hmm. Mais bon, dans les très prochains jours. Ah oui, ils vont être sur Bandcamp. En fait, ben, ils sont supposés d'être sur Bandcamp depuis que j'ai joué au festival d'été. Mais bon, finalement, j'ai retardé la mise en vente. Là, mais en tout cas. Mais à Serac Experience, je vais les avoir, les chandails, les dessins, les aimants et tout. Toute la collection sera là. Voilà. Le 15 septembre, je le rappelle. Alors, on va écouter un extrait du EP, celui qui est sorti en février. Je rappelle juste, Lila, pour te voir, le 15 septembre, et c'est gratuit d'ailleurs, prestation de 20 minutes dans chaque endroit, si je ne me trompe pas. Ouais, ben, 30 minutes. Là, 30 minutes. On s'entend qu'il y a... Mon Dieu. Ça me prendrait genre 3 fois le temps s'installer. On joue 20 minutes. C'est un peu le concept aussi, comme des pop-up spectacles. Alors, 13h, Parvis de l'église Saint-Roch, 16h, l'Exoshop, et 18h30, le Coyote Records. C'est tout autour de la rue Saint-Joseph, bien sûr. Ouais. Et si vous voulez toute la programmation, saintrochxp.com. Il y a tous les artistes et leurs lieux d'affiliation pour cet événement. On va écouter l'une des reprises. Un petit mot rapide, Lila, sur l'artiste qu'on va entendre, James Vincent McMorrow, parce que la chanson que tu as choisie est aussi longue que le nom de l'artiste. Oh my God, excusez-moi. C'est un artiste irlandais. Oui, c'est ça. Ben, moi, dans le fond, c'est un artiste que j'écoute depuis quand même longtemps, puis son premier album finalement qui m'a beaucoup marqué puis m'a beaucoup influencé, dont la chanson que tu veux faire jouer, qui est une des premières chansons que j'ai appris à la guitare finalement. Puis j'avais décidé de le mettre sur mon EP de démo, puisque c'est une chanson que à chaque fois que je m'installe pour pratiquer, je la joue finalement. Puis je l'ai joué longtemps en spectacle aussi, là, je la joue plus parce que j'ai assez de compositions originales, mais voilà, c'est une chanson qui vaut beaucoup pour moi, autant parce que c'est une des premières chansons que j'ai jouées, mais autant parce que c'est vraiment une belle chanson, tant qu'à moi. Puis voilà, EP de démo, là, donc c'est vraiment une version solo finalement. Puis le EP qui va sortir le 2 novembre va être beaucoup plus... il est déjà enregistré en fait, là, mais il y a beaucoup plus d'instrumentation là, dessus, là. On est un petit peu ailleurs, entre guillemets. Composition originale aussi sur ce futur. Oui, les quatre chansons, là, c'est vraiment juste des compositions. Raguetté le 2 novembre, un lancement qui suivra le 9. Ouais. On vous annoncera le lieu quand ça sera confirmé. Je te laisse annoncer le titre, Lila, et je précise juste qu'on a aussi des dessins avec l'album numérique à faire tirer pour tous les gens qui sont à la Corrigan ce soir. Alors, oui. Voici. Alors, la chanson, c'est Follow You Down to the Red Oak Tree. Pardon, le titre est tellement long. Mais voilà, de James Vincent McMurray. Dans la version de Lila. Merci, oui, Lila. Voilà. Merci à toi. Thank you. Dalida avec Follow You Red Down to the Red Oak Tree, une reprise de James Vincent McMorrow à CKRL 89.1. Vous retrouvez ça sur son EP qui est sorti en février dernier, mais comme on vous le disait, il y a un autre EP à guetter le 2 novembre prochain. Alors, direction les salles de spectacle maintenant. L'Anglicane de Lévis a dévoilé la programmation de son 40e anniversaire, une nouvelle saison toute fraîche pour l'automne. Oui, c'est à Lévis. Alors, ceux qui nous écoutent à Lévis savent, oui, l'Anglicane, c'est un lieu incontournable. Mais pour tous ceux de Québec qui nous écoutent, traversez le fleuve pour découvrir cette salle de spectacle unique. Je vous le rappelle, l'Anglicane, au départ, c'est une église, hein, comme son nom l'indique. Et on retrouve une ambiance tout à fait intimiste dans cette salle de spectacle avec des artistes qui passent aussi à Québec ou pas parfois. Hein. Parfois, ils ne viennent même pas à Québec, ils viennent juste à l'Anglicane de Lévis. Ça nous réserve des moments tout à fait exceptionnels en musique, en humour, en spectacle jeunesse aussi. On va en parler avec Diane Blanchette, directrice générale et artistique de l'Anglicane. Bonjour Diane. Bonjour Jessica. 40e anniversaire quand même pour l'Anglicane, comme je le disais au départ, un lieu qui n'était pas du tout prédestiné à accueillir des spectacles. Non, mais c'est ça, comme tu l'as dit, c'est une ancienne église anglicane, comme son nom l'indique. Et il y avait aussi derrière l'ancien presbytère qui est devenu le centre d'exposition Louise Carrier. Alors, non, c'était surtout pas destiné parce que il faut dire que l'Anglicane et son presbytère ont été désaffectés pendant quelques années, donc pendant les années 60, en fait, quand la religion était beaucoup moins pratiquée, autant chez les catholiques que chez les protestants. Alors, le lieu était complètement désaffecté. Il y a une anecdote, d'ailleurs, Marcel Leboeuf, l'acteur, qui est originaire du Vieux-Lévis, qui, pendant son enfance, venait jouer dans l'Anglicane désaffecté. Donc, ah, ouais. Vraiment des jeux il d'enfants. Il avait vu le potentiel là. Du lieu. C'est ça. Exactement. Il savait pas qu'un jour, il reviendrait différemment. Wow. Mais, on voulait... En fait, la ville voulait détruire ces deux lieux-là pour utiliser l'espace pour en faire un HLM. Mm. C'est quand même quelque chose. Alors, des jeunes, hippies des années 70, mais pas si hippies que ça, mais en fait, des jeunes typiques dans la vingtaine des années 70, se sont mobilisés carrément. C'est une mobilisation citoyenne qui a fait carrément une manifestation dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a manifesté dans les rues du Vieux-Lévis, il faut le faire quand même, on n'est pas à New York ni à Montréal. Ouais. Et ça en est suivi une fête aussi qu'on a appelée la fête des oiseaux qui se passait dans le Vieux-Lévis pour revendiquer que la ville acquiert ces deux bâtiments-là et qu'ils soient dédiés, consacrés aux arts. C'était à l'époque, chose cocasse, on parlait d'un espèce de conflit qu'il y avait entre les cravates et les barbus. Les cravates étant les fonctionnaires ou les bien-pensants ou une certaine élite de la société qui était contre cette instauration-là. Et ce qu'on appelait les barbus, qui étaient les jeunes dans la vingtaine, donc qui se mobilisaient. Je pourrais dire qu'heureusement, ce sont les barbus qui ont triomphé. maintenant, comme je dis souvent, les barbus ont des cravates et les cravates ont des barbes. Mm-hmm. Alors, tout ce beau monde-là s'est réconcilié. Mais c'est ce qui a fait qu'est née l'Anglicane et la galerie Louise Carrier, qui s'appelle maintenant le centre d'exposition Louise Carrier. Alors, voilà, ça, c'est il y a 40 ans. Puis les débuts, évidemment, ont été très, très, très, très modestes jusqu'à ce que on connaisse un certain essor à partir du début des années 90. Et depuis, je trouve que vous faites partie des programmations incontournables de la région parce que, comme je le disais, vous recevez autant des humoristes, des artistes, autant qui vont plaire aux plus anciennes générations qu'aux plus jeunes. Mm-hmm. Aussi. Hein, vous avez une salle très modulable aussi avec un parterre debout puis la version cabaret. Quel est le monde? Vous en savez presque plus que moi. Parce que j'ai l'expérience de l'Anglicane, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois aussi. J'aime beaucoup cette salle. Toi, Diane, quand tu... Parce que je t'ai déjà croisée dans des vitrines de professionnels aussi, ouais, où vous allez voir des artistes pendant 20 minutes. Vous dites, bon, est-ce que je le programme dans ma salle ou non? Quelle est la ligne directrice que tu gardes en pensant à ton public, hein, qui vient à l'Anglicane, ouais, autant les fidèles que les nouveaux? Ouais, on pense au public, bien entendu, mais on essaie aussi de faire découvrir au public. Effectivement, je pense que maintenant, l'Anglicane a une certaine notoriété, notre direction artistique aussi est reconnue, ce qui fait qu'on nous fait confiance. Alors moi, je dis toujours que mon travail de diffuseur, c'est de trouver les publics pour les artistes qui le méritent. Et Dieu sait qu'il y a au Québec un foisonnement de création et de créativité. Il n'y a presque même pas assez de salles pour pouvoir accueillir tout ce beau monde-là. Alors, moi, je vois mon travail, notre travail de diffuseur, comme quelqu'un qui doit aller chercher les publics, qui doit développer les publics, sensibiliser les publics à la foisonnante création québécoise. Puis oui, on essaie, on est, dans le jargon, là, on est un diffuseur pluridisciplinaire, comme plusieurs diffuseurs. En fait, quand je dis diffuseur, je veux dire salle de spectacle. Mm-hmm. Plusieurs diffuseurs en région. Alors oui, effectivement, on s'adresse à toutes sortes de publics, les jeunes adultes, les enfants, les familles, les baby-boomers également, les amateurs de blues comme les amateurs d'humour. Alors, ce qui fait qu'on a effectivement des programmations très... qui couvre un large éventail. Un large public, effectivement, d'une soirée à une autre, en tout cas. Alors, vous avez demandé à votre public sur la page Facebook de l'Anglicane quel était le spectacle coup de cœur en 40 ans de spectacle à l'Anglicane. Moi, je me souviens, j'ai même glissé mes noms parce que c'était au courant de l'été. Mais, alors, je ne sais pas si ça a été une surprise pour vous, c'est le spectacle Time It Was, hommage à Simon and Garfunkel pardon, et Cat Stevens qui ont remporté ce titre de spectacle coup de cœur pour une 31e représentation. Ils seront de retour à la fin de septembre à l'Anglicane. C'est ça, exactement. C'est notre spectacle en résidence. C'est notre groupe en résidence, si on peut dire. Puis c'est drôle, c'est un peu paradoxal parce qu'on ne fait pas, ou sauf exception, et c'est l'exception qui confirme la règle, de spectacle hommage à l'Anglicane. Mm-hmm. Ça ne fait pas partie de notre direction artistique. C'est vraiment l'exception. Puis... Je pense que le fait... D'abord, c'est très bien fait comme hommage. En fait, on n'essaie pas de les imiter non plus. C'est une célébration à Simon and Garfunkel et Cat Stevens. Évidemment, tous les baby-boomers sont très nostalgiques de cette époque-là. Aussi, il y a un souci dans le spectacle de raconter un peu l'évolution de ces... deux artistes-là. En fait, quand je dis deux artistes, là, je veux parler des deux groupes. Alors c'est un vote populaire. Oui, on a été un peu surprise. Eux aussi, d'ailleurs, qu'ils étaient de la concurrence, finalistes avec des Desjardins, Séguin et autres du même acabit. Alors, mais c'est un vote populaire, c'est actuel, c'est-à-dire que il s'agit pas d'un souvenir, par exemple, d'un Claude Léveillé. Il y a encore des représentations, il y en a trois par année à l'Anglicane. Alors, le fait qu'il y a tant de monde qui les a vus aussi, c'était vraiment incontournable. Quand à un moment donné, on a pris des finalistes, six artistes finalistes, dont Time It Was, puis on a dit, OK, votez maintenant. Voici nos six finalistes. C'était un raz-de-marée en faveur de Time It Was. Donc, c'était uniquement sur Facebook, le vote? Le vote final, oui, a été uniquement sur Facebook. Donc ça veut dire que ces gens-là sont aussi sur Facebook, là. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Je sais qu'ils ont fait une petite cabale, mais je ne crois pas que ça soit la cabale qui est fait. Quand on l'a annoncé lors du lancement jeudi dernier, on a eu une salve d'applaudissements parce que tout le monde a vu ce spectacle-là. Puis ils m'ont dit qu'ils acceptent ce prix avec beaucoup d'humilité, mais je les trouve brillants et très sensibles

il faut le souligner pour cette première de la saison. On aura d'autres prestations qui s'en viennent d'ailleurs. Alicia Deschênes à compter de 19h qui nous fera découvrir son univers ou redécouvrir parce qu'on la diffuse quand même régulièrement à CKRL. Avant la pause, j'étais avec Diane Blanchette, directrice générale et artistique de l'Anglicane. Elle est restée avec moi parce qu'on a parlé beaucoup de l'historique de l'Anglicane, de la place de cette salle de spectacle unique à Lévis. On n'a pas encore eu le temps de se plonger dans cette programmation automnale. Alors Diane, on le disait, il y en a pour toutes les générations. Vous allez autant recevoir Jean-Pierre Ferland au mois de novembre que Milk and Bone, par exemple, au mois d'octobre. Tout à fait. Voilà. Ça couvre large. Ça. Exactement. Il faut préciser que Jean-Pierre Ferland sera présenté au Cégep de Lévis-Lauzon parce qu'il arrive qu'on diffuse, qu'on présente des spectacles hors nos murs, justement. Pour des salles plus grandes, par exemple. Exactement. Mm. Ça arrive en humour de temps en temps. Puis Jean-Pierre Ferland, c'était comme incontournable. On voulait une place plus grande, bien que l'atmosphère ne soit pas aussi agréable qu'à l'Anglicane, il faut bien se le dire. L'intimité de cette salle, je pense que c'est le mot qui revient souvent pour vous décrire. Alors, Milk and Bone, ça sera au mois d'octobre, le 18. Ce qui est drôle, c'est que là, la programmation sort. Oui, on a beaucoup parlé de Milk and Bone, notamment avec leur passage sur les plaines d'Abraham, voilà, au festival d'été, remarqué par Cyndi Lauper. Mais vous, c'était déjà programmé bien avant cet événement. Oui. C'est ça. Oui, c'était programmé avant. Même, on se dit, on se pose tout le temps la question, est-ce que le public, est-ce qu'elles elles auront fait leur plein de public? Mais je pense qu'au contraire, leur présence au festival d'été n'aura fait que mousser leur popularité. Complètement. Mais on ne programme pas en se disant... oui, ça arrive de programmer des étoiles montantes, comme Milk and Bones, c'est un cas, mais on ne le fait pas parce que ce sont des étoiles montantes, mais bien parce qu'on a un coup de cœur artistique incontournable. Mm-hmm. Voilà. L'idée de suivre ces artistes de la relève aussi, Les Louanges, groupe de Québec, mm-hmm. que vous allez programmer aussi à l'Anglicane à la fin de l'année. Tout à fait, qui sortent un disque, en fait, dans quelques jours. La rentrée culturelle, c'est voilà. Ça, exactement. Ce qui est bien de dire, c'est que Vincent Roberge, le leader Des Louanges, est originaire du Vieux-Lévis. En fait, c'est un enfant de l'Anglicane. Il y est venu tout petit comme public et il a même produit lui-même son premier spectacle dans le temps qu'il était au secondaire. Ah ouais, décidément, ils ont tous du flair. Hein? Ouais. Donc, on va pouvoir découvrir, Les Louanges, le 29 novembre à l'Anglicane de Lévis. On a également en humour Philippe Laprise. Alors, vous accueillez aussi des spectacles en rodage? Oui, effectivement, en humour, ça arrive souvent parce que, bon, après le rodage, ils vont dans les plus grandes salles. Il y a moins moyen de les présenter. Donc, effectivement, c'est le cas de Philippe Laprise, c'est le cas de P.A. Méthode et même de Mehdi Boussaïdan, donc cet humoriste brillant de la relève. De l'émergence, je dirais, j'aiguille le mot relève. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Bon. Il n'y a personne qui relève personne. Hein? On est émergent, mais on relève personne. Alors, voilà, oui, ça, c'est notre programmation en humour. À ne pas manquer aussi, je sais que ça fait partie de l'été, mais moi, je l'adore. Jérémy Demey, oui, ouais. Mon cher français expatrié aussi au Québec, mais son spectacle vivant est excellent. Je l'ai vu à la salle Albert Rousseau, donc pour tous ceux qui l'ont vu dans des plus grandes salles, ça vaut la peine aussi d'aller à l'Anglicane pour le voir dans un contexte plus intime. Il s'amuse énormément avec l'interaction avec son public, donc là, je pense qu'il ne va pas vous louper c'est 14 samedi septembre. Ou vendredi en 8, c'est ça. Exactement. Puis il reste quelques places. Les apéros éclatés aussi, est-ce que c'est un nouveau concept que vous lancez cette année? Oui, en fait, le concept n'est pas nouveau. Vous le connaissez ici à Québec. On le lance un peu modestement, mais on avait envie de profiter de cette saison du 40e anniversaire pour faire ça. C'était mon rêve, moi, depuis très longtemps. Alors, le concept, c'est un concept de 5 à 7, un apéro. Éclaté dans le sens qu'on va y présenter des artistes découvertes, pas nécessairement émergents, mais des artistes à découvrir dans des créneaux artistiques qu'on a moins souvent l'habitude de voir ou de présenter à l'Anglicane. Donc, on sort un peu de nos sentiers battus. Cette saison, ce sera David Goudreau, qui va casser la glace de cette série-là. Et ensuite, Erad, qui est un ensemble de musique du monde aux accents arabes. arabisés, arabisants. Orientaux, en tout cas. Orientaux, qui lance aussi un nouveau disque en octobre. Alors, le concept, c'est on arrive vers 5 heures ou vers 5 heures et demie après le travail. On vient à l'Anglicane, on prend une bière et les portes de la salle ouvrent à 17h30. Le spectacle commence vers 17h45, 17h50. Ça dure une heure top chrono. On fournit le maïs éclaté, le popcorn et voilà. Puis on dit, oui, c'est pour après le travail, mais c'est aussi pour les gens un petit peu plus vieux qui préfèrent sortir plus tôt et qui peuvent en profiter pour amener l'ado ou l'enfant ou voilà. Et c'est une heure sans entracte? C'est une heure sans entracte, puis c'est 10$ tout compris. Alors, frais de service et taxes comprises. Donc, ah oui, c'est une belle offre. Pour quelques sous, on vous tire deux disques court sur coup, comme disait l'éveillé. 17h50, le 8 novembre pour David Goudreau. Il y en aura donc certainement à l'hiver aussi. Oui, mais l'hiver, la saison hiver n'est pas encore annoncée, sauf pour certains spectacles qui font partie de séries qui s'étirent sur les deux saisons, automne et hiver-printemps. Et on va terminer avec Dumas. Alors évidemment, la programmation est beaucoup plus large que ce qu'on est en train de vous dire. On a du jazz avec Misk, par exemple, par ailleurs. Mm-hmm. Mais allons-y sur Dumas, effectivement, parce que vous l'avez vu. Vous avez une longueur d'avance. Je ne sais pas pourquoi je te vous vois. Oui, on pourrait. Tu as une longueur d'avance sur moi. Moi, je l'ai vu à Petite Vallée, il y a 2 ans, très tard dans la nuit. Et il sait vous réveiller quelle que soit l'heure. Bon, là, il jouera à 20h le 19 octobre, donc je ne m'inquiète pas. C'est un spectacle il est seul en scène, mais c'est un performeur extraordinaire. Puis il y a toutes sortes de manières de créer des effets, autant sonores que visuels. C'est à couper le souffle. Alors, on vous le rappelle pour Dumas, 19 octobre, 20h. Toute la programmation est disponible sur langlicane.com. Aussi, si vous vous promenez à Québec dans des lieux culturels, on retrouve souvent la programmation en format papier. Donc, n'hésitez pas à vous servir. Je remercie Diane Blanchette, directrice générale et artistique de l'Anglicane, de nous avoir présenté cette programmation. Mm-hmm. Je vous en souhaite une belle, alors. Ouais, merci c'est bien beaucoup. Parti. On va bien fêter ça, ce 40e. Voici Dumas avec Bleu Clair. Tu n'as rien voulu me promettre, sinon la vérité peut-être. La danse a compliqué ses pas, un vent jaloux est monté en moi. Faute à tes yeux, faute à mon cœur, si je suis fou de ta lueur. Le destin avait les yeux bleus clairs. Sous un soleil incandescent, on s'est égaré dans le vent, le vent. J'ai marché, marché jusqu'au bout de toi. J'ai marché, marché jusqu'au bout de toi. J'ai marché, marché jusqu'au bout de toi. le chemin le plus court, le chemin est vraiment clair. Sous un soleil incandescent, tu m'as dit que c'était le temps. Notre destin est né, les yeux bleus clairs. Notre destin est né, les yeux bleus clairs. Et son sourire incandescent est un soleil éblouissant. Le destin avait les yeux bleus clairs. Oh, oh, oh. Le destin avec Bleu Clair à CKRL 89.1. Je vous rappelle qu'il sera dans la programmation de l'Anglicane de Lévis. Si vous voulez tout voir, tout savoir sur cette programmation, l'anglicane.com. Et pour les gens présents ici à la Korrigane, sachez qu'on fera tirer une paire de billets pour le spectacle de Milk and Bone le 18 octobre. Alors restez bien avec nous parce que ce sont des prix de présence. Donc il faut être là jusqu'à la fin pour cette émission sortie culturelle à la Korrigane. Jessica Leb toujours là pour vous accompagner avec mes invités. On parle du ukulélé maintenant. Saviez-vous qu'il y a un ukulélé club de Québec ici même? Eh bien, vous pourrez les voir notamment en spectacle et en prestation, surtout au Festival Celtique de Québec qui va commencer ce jeudi. Pour les prestations du ukulélé club de Québec, ça sera les 8 et 9 septembre prochains. Pour vous en parler, je suis avec André Pelletier, cofondateur du ukulélé club de Québec. Bonjour André. Bonjour madame. Alors, le ukulélé, on a toujours une image, c'est plus petit, donc c'est peut-être plus facile à apprendre que la guitare. C'est ce qu'on prétend. C'est ce qu'on prétend. Comme on donne beaucoup de cours pour les débutants, on fait des initiations, on se rend compte que des fois, il y a des gens que ça reste quand même difficile. Oui. Mais comme il y a juste 4 cordes au lieu de 6, puis qu'on a 4 doigts, en principe, ça devrait être un petit peu plus facile. Quatre doigts pour jouer. Oui, quatre doigts. Oui. Quatre doigts pour quatre cordes. Il ne faut pas se couper un doigt pour jouer au ukulélé, rassurez-moi. On n'est pas obligé d'en enlever. Hein. OK. Mais l'avantage principal, c'est quand même sa petite taille, parce qu'on le laisse traîner partout. Oui. Fait que tu peux le laisser traîner sur ta table du salon, sur le bord de ton lit, sur ta table de chevet, puis t'en servir souvent. Alors, comme ça, tu peux progresser rapidement. C'est son principal avantage. Et toi, André, comment tu as découvert le ukulélé? C'est devenu très à la mode chez les artistes à un moment donné, il faut le dire. Mais bon. Il y a une quinzaine d'années, c'était pas très. On n'entendait pas parler beaucoup. Moi, c'est un peu par George Harrison qui a remis un peu le ukulélé à la mode avec son dernier album. Il avait déjà commencé à jouer du ukulélé aussi avant ça. Puis McCartney, quand il est venu ici, puis qui nous a fait Something au ukulélé sur les plaines. Là. Ça a beaucoup. Ça, les gens qui vendent des ukulélés, là, les différentes boutiques qui m'en parlent, ça a fait un boom. Ah oui, juste après cette prestation-là en particulier. Est-ce que les inscriptions, les membres au Ukulélé Club de Québec ont augmenté aussi? Le club n'existait pas dans ce temps-là, alors on peut pas dire qu'on l'a senti, mais on n'aurait probablement pas pu faire un club avant que ça arrive, là, parce que le club existe depuis septembre 2015. Et c'est notre quatrième saison qu'on va commencer mercredi le 12 septembre au Pont Galloway. Alors l'idée, c'est pas une école, hein. Vous donnez des cours, mais c'est un regroupement. C'est ça. On se regroupe. On aime dire que c'est un karaoké feu de camp mélangé. Mm-hmm. On projette sur un écran géant les partitions, comme des partitions de guitare, avec les noms d'accords au-dessus des paroles. Donc, il faut savoir lire les notes, quand même? Non. Avec les noms des accords, puis les dessins, les schémas d'accords dans la marge, là, comment la position des doigts. Il faut savoir un petit peu comment ça marche, évidemment. Puis les gens chantent ensemble, on chante tous ensemble. Puis de temps en temps, on prend des breaks, fait qu'on s'explique entre nous comment ça marche, les difficultés qu'on a ici ou là. Puis c'est ça, on donne des sessions de cours gratuites à la librairie Saint-Jean-Baptiste, justement, quatre mardis consécutifs. Là, on n'a pas d'organisé, mais habituellement, on en fait deux ou trois groupes à l'automne, puis un ou deux groupes au printemps. Donc, ça ne saurait tarder, finalement. Là. Vous attendez de lancer peut-être un prochain groupe débutant? Oui, c'est ça. On ne l'a pas lancé encore. C'est ça, là, on est en train d'organiser des affaires. Alors, vous vous retrouvez à la librairie Saint-Jean-Baptiste pour ces sessions, effectivement. Il y a également des rassemblements où vous vous retrouvez. Alors, par exemple, deux fois par mois au pub Galway. C'est ça. Deux mercredis par mois, de 7h à, de 19h à 22h. Les gens viennent nous rejoindre. On mange là des fois, tous ensemble. Puis on fait de la musique toute la soirée. Les gens qui partent un petit peu plus tôt parce qu'ils vont travailler le lendemain. Il y en a qui travaillent le lendemain, mais que ça ne les dérange pas. Ils restent jusqu'à 10h, 10h30. Puis on n'est plus capable de les mettre dehors. Puis on commence avec des chansons plus faciles pour que les débutants puissent s'intégrer à travers la soirée. Mais évidemment, il y a des chansons plus complexes un petit peu pour satisfaire tout le monde parce qu'il y a des gens qui, ça fait 5 ans, qui sont avec nous. Ils veulent progresser. Il y a possibilité d'avoir une technique vraiment très avancée avec le ukulélé? Oui, il y a des virtuoses au ukulélé. Jake Shimabukuro, James Hill, qui est un Canadien, qui font du ukulélé. Ils sont classiques, si on peut dire. Là, ils font quand même des chansons à travers ça de temps en temps. Mais des feux d'artifice au ukulélé, on dirait. Là. Des feux d'artifice. C'est tout un concept. Et vous me précisiez aussi que vous vous réunissez le premier dimanche du mois au café Castello Maguire, cette fois pour accommoder les mineurs. C'est ça, parce que comme on se rencontre dans un bar, bien évidemment, c'est les 18 ans et plus qui peuvent venir avec nous. Mais on a des jeunes qui ont 10, 11, 15 ans, 16 ans, qui sont avec nous. Fait que le dimanche, ben, les autres, ils peuvent se rejoindre à nous à ce moment-là. Parce qu'on fait aussi des concerts, alors on fait des répétitions. À ce moment-là, on n'est pas dans un bar. Mais comme les rencontres mensuelles sont dans un bar, les autres, ils peuvent pas se rejoindre à nous. Fait qu'on se fait des rencontres le premier dimanche du mois. Il y en a vraiment beaucoup, des mineurs, avec vous? Il y en a 5-6. Tranquillement, ça en ajoute... Au fur et à mesure, donc. Alors, pour le Festival Celtique de Québec, je le disais, deux prestations qui sont prévues en fin de semaine. Moi, j'étais très étonnée de vous voir là, je l'avoue. Effectivement, ça reste étonnant. Ça fait 3 ans qu'on essaye de faire quelque chose avec le Festival Celtique. On n'était pas prêt à cause des dates. Oui. Là, ce festival a changé de date, ça a été mieux. Puis à cause du répertoire, parce que c'est pas notre répertoire. La musique celtique et ukulélé, ça a l'air d'être des extrêmes. Fait que là, ben, on s'y est mis, on a pratiqué beaucoup. Puis on fait des chansons traditionnelles irlandaises, écossaises. Sauf qu'on a pris le répertoire irlandais ou celtique au sens large. On fait des tunes de U2, des tunes de Soldat Louis... Des trucs de Van Morrison. Fait qu'on a pris ça irlandais au sens large. Mais on fait de la musique, des chansons traditionnelles irlandaises. Alors, vous jouerez les samedis 8 et dimanche 9 septembre au Domaine Mézeray à midi. Est-ce que c'est le même programme pour ces deux concerts? Oui, c'est le même programme. C'est juste que comme les gens vont être de passage, le samedi, on joue sur l'île. Et puis, il y aura un pique-nique probablement. Les gens vont pique-niquer midi. Donc, à l'extérieur? À l'extérieur. Fait que nous, on va faire ça un peu informel. On va se répandre sur l'île, puis on va faire des chansons. Puis la même chose à 3h. Par contre, le lendemain, le dimanche, c'est dans la chapelle du Domaine Mézeray. Alors là, on va être plus installé un petit peu. On va avoir une meilleure acoustique. On va s'installer avec d'autres instruments. Puis on va s'amplifier une petite affaire. Est-ce que vous êtes aussi nombreux que sur la photo promotionnelle, sur le Festival Celtique? Vous êtes bien une vingtaine, je pense, là-dessus. Au Festival Celtique, on va être... on est 25, je pense. Ah, quand même. Donc, ça oui, représente bien. Oui, parce que le club compte 50 membres. Plus que 50 même, il doit être 60 à peu près. Donc vous n'êtes qu'une petite moitié. C'est pour ça, juste le Festival moitié Celtique. Je vous rappelle la programmation sur festivalceltique.com si vous voulez voir. C'est une activité gratuite d'ailleurs si vous voulez y assister. On va mentionner aussi le 20 septembre un spectacle à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Ben, on produit de temps en temps, produit c'est bien grand mot. On coordonne des spectacles de ukulélé parce qu'il y a des gens, des artistes du ukulélé, particulièrement des Français qui viennent à Montréal, parce qu'il y a un club de ukulélé à Montréal aussi, puis il y a un Ukfest à Montréal. Alors, quand ils viennent au mois d'août, ils nous contactent. On va être à Québec dans tel environ, telle date. On aimerait ça jouer quelque part. Peux-tu nous aider? Fait que moi, ben, j'ai travaillé avec la librairie Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on a produit quelques spectacles. Et là, cette fois-ci, c'est un des deux membres du duo Southern Uke, Mathieu Dippendale, qui va venir nous chanter des chansons américaines. Ça peut être contradictoire parce que c'est un Français. Et puis, il y aura aussi en première partie les sœurs Cloutier, Sarah et Catherine Cloutier, qui s'accompagnent au ukulélé. Des très belles voix. Alors, soirée ukulélé le 20 septembre à la librairie Saint-Jean-Baptiste aussi. Est-ce qu'il y a des billets à réserver? Non, c'est un... À la librairie Saint-Jean-Baptiste, c'est le même fonctionnement. C'est toujours un... À la porte. On appelle ça donc contribution volontaire. Ah, d'accord. De 10$. Pour tous ceux qui voudraient passer la soirée avec vous. Merci beaucoup, André Pelletier, cofondateur du Ukulele Club de Québec. On va écouter l'un de vos membres honorifiques. Absolument. Robob, voici Limoilou, Lucha Libre, avec du ukulele, bien sûr.

Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. À découvrir cet automne au Palais Montcalm, Maison de la musique, du blues avec le célèbre guitariste Eric Bibb et son complice Michael Jerome Brown le 4 octobre, du jazz avec les musiciens Rody Elias, Mark Copeland et Adrian Vedadi le 5 octobre, la tournée d'adieu du légendaire groupe de rock progressif Strubs le 10 octobre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. SDC 3e Avenue, la Maison des femmes de Québec, Théâtre Petit Champlain, Salle Albert Rousseau, Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolight, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolight.qc.ca. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. De retour pour cette dernière demi-heure de sortie culturelle à la Corrigan, 380 rue Dorchester. Si vous voulez, oui, public, faites-vous sentir, on n'est pas seul ici. C'est votre sortie hebdomadaire ici à CKRL et on vous y retrouvera tous les mardis de 17h30 à 19h30. Je donnais l'adresse jusqu'à ce qu'un des spectateurs s'enflamme, 380 rue Dorchester. Et en plus, si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, j'ai plein de prix de présence pour vous. On a le duo Bourg Baudros, Dio Breton qui est en spectacle ce soir à Québec, qui m'a laissé un album. Lila aussi avait des cartes tout à fait artistiques avec ses dessins et des codes de téléchargement. Une paire de billets pour le spectacle de Milk and Bone à l'Anglicane. C'est encore temps alors pour vous de nous rejoindre et de gagner ces précieux cadeaux. Avant cela, petite chronique culturelle avec Anne-Christine Guy qui revient tout droit de Rouyn-Noranda. Elle est rentrée hier. Elle était évidemment au FME, le festival de musique émergente dont tout le monde parle. Bonjour Anne-Christine. Bonjour. Bon retour. Hey, merci. C'est vrai que j'ai l'impression d'être juste revenue là parce que j'ai roulé toute la journée. En fait, hier, on est parti à 7h du matin. Je suis arrivée à Québec vers 10h. J'ai dormi aujourd'hui. Presque. Oui, c'est comme le lendemain du Nouvel An. C'est ça, exactement. Quand on revient du FME, raconte-nous. On va avoir juste un petit tour d'horizon aujourd'hui parce que, pour tout vous avouer, chers auditeurs, on fera le compte-rendu complet demain dans l'émission Première Loge que j'anime de 15h30 à 17h30. Mais j'avais envie, Anne-Christine, que tu nous donnes un avant-goût à chaud de ce festival. Ben écoute, le FME, ça bouge beaucoup. Donc, j'ai l'impression que tout se mélange dans ma mémoire, mais c'est un genre de marathon toute la fin de semaine. Puis c'est aussi un moment où il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout voir. Même si c'est Rouyn-Noranda. Même si c'est Rouyn, à moins d'accepter de voir une partie de spectacle. Moi, j'avais vraiment envie de vivre des expériences complètes. Donc, j'ai vraiment fait le choix de laisser aller certains trucs. Donc, tu sais, en 5 à 7, là, souvent, il y a 5 à 7 en même temps. 4-5, j'exagère. Peut-être 3, 4, 5. Mais le choix est tellement difficile. Jacques Boivin confirme 5 spectacles que j'exagérais bon. Pas. Bon. Comme quoi. Donc, c'est ça. Fait qu'il fallait faire des choix. Puis même, tu sais, par exemple, j'étais vraiment curieuse d'aller voir Carquasson durant la fin de semaine. C'est quand même Carquois, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé quand ils jouaient. J'ai raté l'occasion de les voir la seule fois cette année. Donc, c'était le grand retour, hein? C'était l'un des grands noms de ce FME. Oui, puis là, ben, avec la formule Carquois-Patrick Watson, ouais. C'est intéressant aussi. Aussi, ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas performé ensemble. Ils disaient en spectacle que quand ils l'ont fait la dernière fois, Les Chemins de Verre n'étaient pas sortis. Depuis ça, Patrick Watson a aussi produit beaucoup. Donc, j'étais curieuse d'aller voir ça, mais c'est un spectacle qui était extrêmement long. Donc, tu sais, il y a quand même des choses durant la soirée que tu dis, ah, ben finalement, peut-être que le spectacle, après, il va prendre le bord. Donc, c'est ça, tu sais, c'est aussi déchirant comme festival parce que tu peux pas tout voir. Mais en même temps, tu sais, chaque expérience était spéciale, intéressante. Tu es vraiment dans un public qui est intéressé par ce qui se passe. Tu sais, puis il y a des moments aussi, bon... Quand on y va comme média, c'est plate pour le reste du public, mais on a des petits avantages de temps en temps. C'est quand même un festival où il y a un volet pro, donc où il y a plein de professionnels du monde du spectacle qui sont là. Donc, par exemple, on a eu la chance de voir les Louanges dans un pool party. Ah oui? En fait, c'est bon, ça, on le fait à chaque année. Ils font un party de piscine à chaque année. Puis, un des artistes qui est dans leur boîte qui joue cette année, c'est les Louanges. Puis, ben, c'est quand même un petit moment spécial. T'es sur le bord d'une piscine, t'écoutes un spectacle. C'est tout à fait privilégié. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est une chance unique. C'est plate, là, mais monsieur, madame, tout le monde qui se déplace peut pas nécessairement y assister. Mais là, tu soulignes quand même quelque chose. Les professionnels de l'industrie, du monde du spectacle sont là. Ça sert aussi de vitrine pour programmer dans l'année suivante, finalement, dans une salle de spectacle, dans un festival aussi. C'est pour ça que l'événement est important. Et quand même, il faut souligner la venue de Pierre Lapointe et Les Beaux Sans Cœur, album surprise, mais spectacle surprise aussi au FME. Oui, en fait, l'album et le spectacle ont été annoncés le même jour. Donc, moi, j'ai assisté au premier spectacle fait par Pierre Lapointe et Les Beaux Sans Cœur. Déjà, c'était niveau. Ben, en fait, c'est des musiciens qui jouent ensemble tout le temps. Je doute pas qu'ils étaient prêts. Là. C'est pas oui, surprenant qu'ils étaient préparés, de niveau. Ouais. Mais il n'y avait pas vraiment de cafouillage. Il y a peut-être un moment là, où j'étais comme « Ah, il n'est pas sûr de ses paroles! » Mais sans ça, c'était vraiment à la hauteur. Les costumes sont intéressants. Je sais pas si le public à la maison a eu la chance de voir le vidéoclip qui est sorti déjà, mais ben, même la pochette, là, on les voit en costume blanc avec des jambes de très grandes franges. Donc ça, c'est le vrai costume sur scène? Oui, c'est le costume qu'ils portent. La scène était décorée. C'était vraiment intéressant. Là, ils ont vraiment créé un univers complet, mais je pense que Pierre Lapointe s'amuse à faire ça de plus en plus dans ses projets. Son dernier spectacle que j'ai pas eu la chance de voir, je pense qu'il y avait quand même toute une mise en scène qui est intéressante. Donc, je présume que c'est quelque chose qui, de plus en plus, comme artiste, il a envie de faire. Oui, on est quand même dans un extrême. Moi, juste d'entendre Pierre Lapointe qui chante des chansons joyeuses, ça me déstabilise complètement. Mais ça lui va très bien. Oui, mais en même temps, moi, c'est pas tout si joyeux que ça, en fait. Non, là, c'est dans le rythme, en tout cas. Oui, ça rock plus. Mais c'est drôle parce que c'est ça, on en a parlé beaucoup durant la fin de semaine parce que, bon, c'était quand même une surprise, cet album-là de Pierre Lapointe, ce spectacle-là. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui, à la base, sont pas fans de Pierre Lapointe. Ils étaient comme, ah, mais non, moi, j'aime ça. Ben oui. Puis, en même temps, moi, je me disais, je trouve que, tu sais, mélodiquement, les thématiques, comment les phrases sont construites, la poésie, ça reste du Pierre Lapointe, là. C'est juste qu'on dirait que son côté irrévérencieux, là, est vraiment mis de l'avant. Ça existe dans ses spectacles. Je veux dire, il y a quand même un côté baveux qui existe depuis le début de son projet, depuis le début de sa carrière. Mais là, c'est comme s'il a capitalisé là-dessus. Puis vraiment, c'est ça qui met de l'avant-plan. C'est assez intéressant. Bon, ça promet alors pour la tournée, j'espère, qui s'annoncera. Oui, ils sont censés venir à Québec, à Montréal, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de dates. Je ne sais pas si ça va changer. Parce que chacun se concentre sur son projet artistique aussi. Pierre Lapointe, la science du cœur, ça se poursuit encore. C'est ça. Donc, tu sais, il n'y a pas grand-chose à annoncer. Je n'ai pas l'impression que ça va se développer énormément plus. Mais peut-être qu'avec le succès, on croise les doigts, il va y avoir un changement de volonté. Là. Oui, ça va être plus gros que ce qu'ils voulaient faire, en tout cas. Ouais. On leur souhaite. Samuel aussi, artiste que nous, on suit depuis très longtemps à CKRL, elle avait participé à notre concours Montre tes talents, qu'elle avait gagné il y a 2 ans déjà. Et là, Samuel, alors moi, j'ai reçu un communiqué de presse un dimanche pour un lancement d'album, j'ai rien compris. Mais quand j'ai vu qu'elle était au FME, j'ai compris finalement. Ben c'est ça, Samuel lançait son album dimanche soir en Formule 5 à 7. Moi, j'ai vu un tout petit extrait parce que je voulais aussi aller voir L'Arche. C'était de la compétition, là, deux spectacles que j'avais envie de voir les deux. Mais oui, elle était là pour lancer son album. C'est surprenant, c'est un album... En fait, elle a travaillé des pièces qui sont déjà jouées en spectacle. C'était des pièces qu'elle avait envie de mettre sur CD, mais... Quatre chansons seulement. C'est ça, mais qui sont pas... nécessairement, tu sais, c'est pas des nouvelles créations, elle travaille sur d'autres projets en ce moment. Elle va prendre une pause, là, elle finit dans le fond sa tournée au Québec, elle part en Europe pour un mois, après ça, elle prend une pause. Donc, c'est comme un peu, c'est comme si elle clôt un chapitre, en fait, avec ce EP-là. Puis, tu sais, en même temps, c'est l'inverse, hein? C'est drôle, hein? Oui, c'est ça, d'habitude, c'est comme, on a travaillé sur quelque chose, puis on essaie des trucs. Ça. Mais là, c'est vraiment, c'est comme ça clôt un chapitre. Mais j'ai l'impression qu'elle a mis beaucoup d'amour dans ce EP-là. Les copies physiques sont faites à la main, c'est sérigraphié sur du velours. Donc, vraiment, c'est intéressant. Dans le fond, le public peut se le procurer aussi. Mais oui, déjà. Via toutes les bonnes plateformes numériques. Le EP s'intitule « 10 mois pour Samuel » avec un E à la fin, je le rappelle, un seul oui. L. Anne-Christine, juste pour donner le goût demain de nous écouter dès 15h30 pour ce retour complet sur le FME, un souvenir dont tu vas nous parler demain, mais t'en dis pas beaucoup pour le moment parce qu'il faut écouter ces KRL, mais... Ah oui, mais on pourrait parler de Donzel. Donzel? Ah oui, ouais, je savais voir un 5 à 7 de Donzel. Et c'est un album pardon, que tu as critiqué d'ailleurs dans Première Loge quand il est sorti. Donc là, tu l'as vu sur scène. Oui, effectivement. Puis là, ben, c'est une autre expérience. C'est autre chose. Et, ben, tu sais, l'album, tu entends des musiciens, mais tu ne vois pas l'expérience visuelle. Faut le dire, là, Donzel, qui est un projet mené par Roxane Arsenault. Roxane, c'est quand même quelqu'un qui me baigne dans le milieu des arts visuels. Elle a des personnes avec elle. En tout cas, j'en dis pas trop, mais tu sais, c'est un spectacle qui est très visuel aussi. C'est super intéressant. Tu n'as pas été déçue, alors? Aucune déception, là. On va écouter un extrait de cet album, alors, Presse Jus. Ne soyez pas choqués, c'est vraiment des paroles à prendre au second degré. J'ai eu certains commentaires sur les chansons de Donzel. Je dis, mais non, mais il faut l'écouter. Puis il faut se rappeler aussi que c'est un pastiche hein, du rap au masculin. Et elle le fait très bien dans ses chansons. Oui, vraiment. J'ai choisi Jalousie. Je ne sais pas si tu approuves, Anne-Christine. C'est bon? Oui, c'est très bon. Voici Donzel, Jalousie. Merci beaucoup, Anne-Christine Guy. Ça me fait plaisir. Donzel. Thank you. pitch, deux secondes à pas finir. Donzelle, Jalousie à CKRL 89.1, extrait de son album Presse Jus. On retourne à Saint-Roch Expérience, événement qui aura lieu le 15 septembre prochain. D'ailleurs, si vous voulez voir des artistes de Québec, c'est vraiment la bonne occasion de le faire. On vous a présenté Lila dans la première heure de l'émission. Parmi les autres artistes qui vont jouer dans des lieux tout à fait insolites, Alicia Deschênes nous a rejoint. Bonjour Alicia. Bonjour. Alicia, en ce qui te concerne, le 15 septembre, tu joueras au District Saint-Joseph à 13h, Place Jacques-Cartier 15h30 et Phil Smoked Meat à 18h30. Oui. Es-tu satisfaite des lieux qu'on t'a attribués? Oui, j'avais aucune idée c'était quoi les possibilités de lieux. Fait que moi, j'avais aucune attente et je suis très contente. La seule place où j'ai déjà joué, en fait, c'est le District. J'avais fait les apéros fake l'hiver dernier. Les autres places, j'ai jamais joué. Je pense que ça va être très le fun. Surtout, ben, Phil Smoked Meat, je trouve ça intéressant comme concept. J'ai hâte de voir. Mais oui, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on adapte son répertoire par rapport au lieu où on se trouve? Parce que là, c'est des prestations de 30 minutes environ. Non, ben, en fait, je vais être accompagnée de deux musiciens. Puis qu'on a décidé vraiment d'y aller, de faire trois performances. Ben, en fait, trois spectacles qui se ressemblent. Ça va être probablement les mêmes chansons et tout. Vraiment se concentrer là-dessus pour être le plus près possible, mais aussi pour pouvoir justement présenter les chansons de mon EP principalement. Là. Mm-hmm. Donc, on se disait, c'est ça, on voulait vraiment axer sur le EP puis sur mon matériel. Donc. Le EP Année Lumière qui est sorti en 2017 déjà. Oui, en octobre 2017. Ça va faire presque un an. Oui. 5 chansons réalisées sous l'égide de Daran. Oui. Qui t'a complètement pris sous son aile parce que j'ai appris qu'il allait te suivre un peu plus loin encore. Oui, oui, oui, c'est ça. Il m'emmène même avec lui en tournée. Je fais des premières parties. Donc, je travaille encore avec lui. Je travaille avec son équipe. Donc, oui, c'est vraiment, vraiment un très grand coup de pouce. Et je l'apprécie beaucoup. C'est une personne exceptionnelle. C'est un artiste exceptionnel aussi. Donc, de pouvoir être épaulé comme ça, c'est certain que c'est vraiment merveilleux. Quelqu'un qui a su donner une couleur différente aussi à tes chansons. Moi, je me souviens tes premières prestations à CKRL, guitare-voix, évidemment, mais on écoute le EP. Il y a tous les arrangements autour. Il y a plus de guitare électrique aussi, par exemple. Oui, oui, ça, je suis vraiment contente. Justement, au départ, quand on commençait à travailler ensemble, il me disait « Je veux vraiment qu'on trouve ton son ». C'est parce que moi, j'étais là, j'ai aucune idée. Je suis tellement habituée d'entendre mes chansons qui t'envoient que je veux pas te donner de piste. Je veux vraiment. J'ai donné carte blanche. Puis finalement, il est parti avec ça. Puis il m'a complètement très bien, si je peux me permettre l'anglicisme, saisi. Il m'a très bien compris en tant qu'artiste, en tant que personne. Puis finalement, ça a donné ce EP-là. Puis je suis vraiment contente. Là, comme je dis, ça me représente très bien. Puis j'aurais vraiment pas honte de montrer ça dans 10 ans, dans 20 ans. Je suis très, très, très contente. Et un nouvel album, alors, déjà qui se prépare un an après la sortie du EP, on peut en parler? Oui, oui, oui. Un album prévu pour 2019, et si tout va bien, je dirais même début 2019. C'est déjà pas mal tout enregistré, ça va être 11 chansons. On remet les chansons du EP sur l'album, parce que c'est ça, l'album, c'était plus un peu comme une carte de visite. On voulait que ce soit plus, justement, pour que les gens commencent à me connaître. Mais donc voilà, ça va être les 5 chansons du EP plus 6 nouvelles pièces que j'ai jamais, pratiquement jamais jouées, même devant le public. Là. Ah oui, tu les as même pas cassées avant? Ben, un petit peu. Il y en a certaines que j'ai jouées après les avoir enregistrées. Mais la plupart, là, non, c'était vraiment... je venais d'écrire ça, j'envoie ça à Daran. Ah, celle-là, c'est bon. Fait que là, finalement, on part là-dessus, puis... Donc, travail à distance aussi? Oui, oui, oui, c'est ça. Lui, il est à Montréal, moi, à Québec. Donc, finalement, l'album, c'est enregistré à Montréal. Mais moi, dans le fond, comment qu'on travaille, c'est beaucoup... je vais dans son studio, moi, j'enregistre mes trucs. Après ça, je dis, gars, amuse-toi. Puis ça donne toujours des résultats merveilleux quand je dis amuse-toi. Donc, non, comme je dis, ça connecte très bien, il me comprend très bien. Donc, je suis très, très contente de cette collaboration-là. Alicia, sans plus attendre, j'aimerais qu'on t'entende. Année Lumière, c'est le nom du EP, mais c'est aussi le nom de la première chanson que tu vas interpréter, donc je te laisse t'installer. Super. Guitare-voix ici à la Korrigan. Et je le rappelle, allez, il reste une dizaine de minutes pour nous rejoindre à la Korrigan, attraper la prestation d'Alicia Deschênes au 380 rue Dorchester. Je rappelle aussi que la semaine prochaine, on aura la chance d'apprécier le premier artiste participant à notre concours Talent en scène qui va durer jusqu'au mois d'avril 2019 pour les sélections, on va dire. Et après, il y a les demi-finales en mai 2019. Alors que vous soyez un artiste en musique, slam, humour, poésie, conte, vous pouvez encore vous inscrire sur le site de ckrl.qc.ca et nous soumettre votre candidature. Voici tout de suite Alicia Deschênes, Année Lumière. Toujours dans ma tête, même quand je me fiche dans le présent, ton souvenir masque la fête. C'est comme si c'était hier, mais je m'ennuie au complet, comme si des années-lumière séparaient nos reflets. Si proche et si loin, si proche et si loin, si proche et si loin de moi. J'suis là, j'peux pas rien faire, t'es à des années-lumière de moi. Faut que j'arrête d'y penser. Soudain tu reviens dans deux semaines, puis mon cœur en quarantaine se demande ce qui va y arriver. De retour en arrière, je vais tout avouer. Mais je trouve le temps long à compter les heures qui séparent nos prénoms, les battements de nos cœurs. Si proche et si loin, si proche et si loin, si proche et si loin. Semaine, puis mon cœur en quarantaine se demande ce qui va y arriver. Je peux encore faire mal, mais t'es tout sauf banal. C'est peut-être con, mais c'est tout ce que j'ai. L'espoir, j'en ai encore et de plus en plus fort. Mais j'ai peur de voir t'éloigner. L'espoir, j'en ai encore et de plus en plus fort, mais j'ai peur de voir t'éloigner. L'espoir, j'en ai encore et de plus en plus fort, mais j'ai peur de voir t'éloigner. L'espoir, j'en ai encore et de plus en plus fort, mais j'ai peur. Je voudrais juste te parler. Merci. Donc, la deuxième que je vais vous interpréter, c'est une chanson qui sera sur mon album à paraître en 2019. Donc, c'est une primeur. Ça s'intitule « Je trouve ça beau ». « J'suis pas toujours la plus sociable, j'suis un peu gênée, j'peux pas faire autrement. J'bois pas, j'fume pas, j'vais pas dans un bar, j'aime pas danser, pis j'ai peur du jugement. Parfois j'suis partie dans ma bulle, j'pense trop, j'm'inquiète pour rien. J'suis un peu pogné quand j'vais dans un show, mais compte sur moi pour chanter le refrain. J'suis un peu trop sensible, mais j'trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. J'ai pas toujours confiance en moi, j'ai peur de perdre, j'ai peur de décevoir. Je combats des barrières dans ma tête, j'suis un peu stressé, blessé, va donc savoir. Parfois j'ai le vertige du futur, puis souvent j'vis pour demain. Parfois j'ai juste besoin d'être seul, mais compte sur moi pour te tendre la main. J'suis un peu trop sensible, mais j'trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. Qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. Je dis jamais un mot plus haut qu'un autre, même si je trouve que l'hiver c'est un peu morose. Je reste là. Souvent, trop souvent, je suis nostalgique, puis j'ai jamais hâte au générique, mais je suis faite comme ça. Puis je trouve ça beau de penser qu'un jour quelqu'un pourrait m'aimer. Alicia Deschênes, c'est KRL 89.1 et à la Korrigan. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Jessica. D'être venue nous voir ici à la Korrigan. Je rappelle que tu seras en spectacle le 15 septembre lors de Saint-Roch Expérience dans trois lieux complètement insolites. Toute la programmation sur saintrochxp.com le 15 septembre prochain, je vous le rappelle. L'émission se termine comme ça, sortie culturelle à la Korrigan. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, 17h30, pour une toute nouvelle émission. Je peux déjà vous annoncer qu'Arnaud Cordier, programmateur de Saint-Roch Experience, sera avec nous. On aura notre premier candidat de talent en scène aussi, Jinx Free 13, qui sera parmi les concurrents. Une chronique bière aussi de la Korrigan. Je vais vous laisser entre les mains de Gilles Chomel pour Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL 89.1. Cher public à la Korrigan, ne bougez pas dans quelques instants notre tirage pour que vous repartiez avec les cadeaux de nos artistes. Et Jessica Leb avec vous, très bonne soirée, merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Cultural. Sortie culturelle à la Korrigan vous a été présentée en direct du 380 rue Dorchester. CKRL 89.1.